La conversation scientifique par Étienne Klein. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons tenter de décoder la notion de code, ce qui n'est pas une mince affaire. La notion de code est en effet difficile à définir de façon simple. Il n'y a qu'à voir tous les adjectifs qu'on lui associe. Un code peut être postal, pénal, secret, ou encore civil, moral, génétique, vestimentaire, noir, rural, et même général des impôts. Il peut également être de la route, de déontologie, de bonne conduite, voire de carte bleue, ce qui fait beaucoup, beaucoup trop pour un seul mot. Mais heureusement, nous sommes à Nantes, en public, qui est là nombreux et que je salue, aux Utopiales, le fameux festival qui croise le fer avec fair play entre la science et la science-fiction, et dont le thème de cette année est justement « Coder, décoder ». Cette conversation scientifique exceptionnelle se déroulera en deux parties. Nos invités se succéderont pour nous aider à y voir plus clair sur ce que « coder » veut dire. Pour connaître le sens du mot « décoder », il nous suffira de considérer que ça veut dire le contraire de ce qu'ils auront dit, moins par moins, faisant souvent plus. Pour cette première partie, j'ai le plaisir d'accueillir deux personnages importants des Utopiales. D'abord, Jeanne A. De Batz, vous êtes auteur de romans de science-fiction. On se souvient de votre roman intitulé « La vieille anglaise et le continent ». Et vous êtes par ailleurs délégué artistique des Utopiales. Oui. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire, délégué artistique ? C'est être le pôle de toutes les synergies de la Cité des Congrès pendant les Utopiales, je pense. Le pôle des synergies. Et votre prénom, c'est Jeanne-A, j'ai bien prononcé ? Tout à fait. Que fait ce A-là ? C'est une coquetterie, c'est un souvenir d'enfance, de mes lectures de Heinlein, tous ces auteurs de science-fiction qui avaient une syllabe plantée au milieu de leur nom, qui était tout à fait mystérieuse parce que j'avais pas compris que le A de Robert Heinlein, c'était Hanson, tout bêtement son prénom. Et du coup, lorsque, à mon tour, je me suis mise à être éditée, je me suis attribué ce A, qui n'est pas totalement gratuit, non plus, mais qui me rappelait toutes mes lectures adolescentes. C'est quand même assez codé, vos explications. Tout à fait. Le deuxième invité de la première partie est Roland Lehoucq, astrophysicien, bien connu, par ailleurs passionné de science-fiction, et qui a l'honneur d'être le président de l'association du festival. Tout à fait. Alors bonjour. J'ai une question à vous poser. Pourquoi ce thème codé-décodé et pourquoi vous avez considéré qu'il avait un rapport direct avec la science-fiction ? Alors, dans le choix des thèmes des Utopiales, évidemment, c'est un choix consensuel qui doit être soumis à discussion parmi tous les membres de l'équipe d'organisation. Et on est tombé sur le thème du code. Moi, j'avais envie de traiter du thème du code parce que j'imaginais décliner ce thème-là de la façon dont vous l'avez fait en introduction, comme code social, comme code génétique, comme code informationnel, comme code de langage ou comme code littéraire. Et donc, ces déclinaisons-là faisaient souvent écho à des thèmes traités par la science-fiction. Et puis, il y a eu aussi l'idée d'ajouter, par les discussions que nous avons eues dans le petit comité d'organisation, d'ajouter l'idée de décoder. Une fois qu'on a codé les choses, il faut aussi être capable de les décoder pour les comprendre. Et la science-fiction, alliée aux sciences, en une alliance qui remonte finalement à ses origines, science-fiction alliée aux sciences permet de parler de notre monde, de décoder notre monde, de comprendre notre monde par un détour dans ces mondes imaginaires qui sont décrits par les auteurs de science-fiction. Alors je suis allé faire un petit tour dans les dictionnaires et j'ai vu que le mot « code » vient du latin « codex », qui désigne les livres juridiques rassemblant les lois, et par métonymie, le mot a été employé pour désigner l'ensemble des lois écrites dans ces livres. Et aussi un sens anglais, le code en anglais, c'est plutôt ce qui est crypté, ce qui est caché, ce qui est dissimulé, et qu'on traduisait autrefois en français par le mot chiffre. Alors, il y a un paradoxe là-dedans. C'est que, en fait, le codex était rendu public chez les Romains. Le code pénal, en fait, c'est le premier code pénal, c'est le code romain. Il n'était pas du tout codé, il était inscrit en lettres sur les murs du Sénat et il y avait un lecteur public posé devant pour le lire, pour ceux qui ne savaient pas lire. Et qui donc le décodait, il décodait le réel, les lois, pour les citoyens. Et c'était la première fois dans l'histoire, en tout cas de l'Europe, que les lois n'étaient plus arbitraires. si on faisait ça, on obtenait ça. Et nul n'était censé l'ignorer, puisque tout le monde pouvait accéder à la loi, au code. Et de l'autre côté, on se retrouve avec ce côté secret, cryptique, voilà. Mais vous parlez des Romains, il y a eu le code César. Un des premiers codes qui a été utilisé par César dans les messages qu'il envoyait à ses généraux. Pour le coup, est un chiffre, qui est une manière de transformer un langage clair en latin ou en langue vernaculaire, de le transformer en quelque chose qui devient incompréhensible par un simple décalage de lettres. Le code César est une des façons les plus simples de chiffrer un message en disant « je remplace tous les A par des B, tous les B par des C, tous les C par des D ». Par exemple, un décalage de une lettre, ou de deux, ou de trois, ou de cinq lettres. Voilà, et j'ai envie de vous tester là-dessus, Roland Lehoucq et Jeanne Adebatz. Que donne oui en code César avec un décalage de 10? Je ne sais pas. IBM. Non. Oui, ça donne yes. Alors, est-ce qu'on peut dire, et vous l'avez un peu rappelé tout à l'heure, qu'aux utopiales, on essaie de configurer le futur en faisant l'autopsie du présent ou du passé? Ou est-ce que c'est un genre qui s'autonomise par rapport au passé? La science-fiction... Parce qu'elle a longtemps été apocalyptique, la science-fiction. Voilà. Et pour avoir fait un petit tour des stands qui sont ici et écouter quelques conférences, j'ai trouvé que la tonalité était beaucoup plus optimiste qu'auparavant. Alors la science-fiction a d'abord été un discours sur le futur. Enfin d'abord, en tout cas, envisager des progrès scientifiques et techniques, tels qu'elle est née en tout cas comme merveilleux scientifique, se placer dans un futur plus ou moins proche pour discuter de l'évolution des techniques et d'éventuellement de leurs actions ou de leurs conséquences sur les humains. Alors la science-fiction s'est aussi intéressée au passé, de manière de rétrodiction, enfin même de rétrofuturisme, de dire si je modifie un élément du passé, que serait le présent si le passé était différent? Donc c'est le nouveau futur du passé, donc un nouveau présent. Donc ensuite, cette science-fiction, quand elle se projette, quoi qu'il arrive, elle discute pour partie, et même pour une bonne partie de notre monde, et elle essaie d'envisager des possibles. Alors parfois, pour les prévenir, parce qu'elle est souvent, et avec facilité, dystopique, mais pas toujours dystopique aussi, pour essayer de conjurer les futurs, de proposer des avenirs attirants, des avenirs qui vont être désirables, partant d'un point de départ, d'une condition initiale qui est aujourd'hui, ici et maintenant, et essayer d'atteindre un autre futur désirable, peut-être par des voies étroites, voire par des voies difficiles, voire très pénibles, mais en tout cas en essayant de rendre un futur désirable pour tendre vers celui-ci et éviter des problèmes qui pourraient se poser suite aux évolutions techniques. Jeanne Adebatz, est-ce que vous seriez d'accord pour dire, comme vient de le faire Roland Lehoucq, que la science-fiction, c'est la rampe de lancement du futur? C'est vrai, et ça n'est pas seulement ça. La fonction prédictive de la science-fiction est une des grandes parts de la science-fiction. On entend toujours « la science a dépassé la fiction » parce qu'on a enfin découvert la tablette tactile qu'on trouve dans Star Trek ou le téléphone à clapet. Mais finalement, ce qui nous intéresse aussi aux utopiales, c'est la façon dont elles décodent le réel actuel. La façon dont, lorsqu'elles montrent un potentiomètre, par exemple, et qu'elles le poussent totalement à fond, pour voir ce que ça donne. Typiquement, qu'est-ce que va devenir le climat que nous avons maintenant? Vous disiez que c'était catastrophiste avant. Nous avons toute une partie de la science-fiction, la cliffhanger, qui est assez peu optimiste, il faut quand même l'avouer. Mais on en a toute une autre qui pense qu'on peut encore agir. Et d'ailleurs, souvent, les créateurs de science-fiction qui sont ici aux Utopiales sont des gens qui sont engagés pour changer le futur qui nous arrive sur le nez. Oui, c'est l'idée aussi en mettant de l'humain dans des éléments scientifiques ou techniques, beaucoup techniques, en mettant de l'humain, ça rend les choses concrètes. Les lecteurs, les lectrices peuvent s'identifier, peuvent essayer de se placer à la place bien des protagonistes de l'histoire et du coup rendre plus concret, plus direct, plus intelligible, plus émotionnel, des choses qui seraient peut-être un peu sèches. Des rapports du GIEC, qui sont évidemment très scientifiques, ils se doivent de l'être, ce sont produits par des scientifiques, ce sont des tableaux, des graphiques, des conséquences, des probables, des possibles. La science-fiction ne s'embarrasse pas toujours de ces détails. Elle, comme dit Jeanne, elle pousse au maximum, elle met sous la loupe grossissante les choses. Et donc, en faisant cela, elle permet de rendre les choses peut-être plus concrètes, plus directes, et peut-être d'agir sur les comportements, de pousser plus directement à agir sur les comportements mais, des gens. Mais l'idée de progrès s'était longtemps appuyée sur l'idée qu'on pouvait configurer le futur d'une façon qui soit d'une part crédible, donc les scientifiques avaient leur mot à dire, et également qu'elle soit attractive pour qu'on puisse faire les efforts que l'idée même de progrès réclame. Aujourd'hui, quand on entend les scientifiques parlant de l'environnement, de l'énergie, du climat, ce qu'ils disent est évidemment crédible, mais n'est pas très attractif. Alors, est-ce que ça ne met pas l'idée de progrès en porte-à-faux ? Alors, et est-ce que la science-fiction est capable de gérer cette contradiction ? Tout dépend ce qu'on appelle progrès, en fait. Est-ce que le progrès, c'est toujours plus de technologie ? Est-ce que le progrès, c'est toujours plus de complexité ? Ou au contraire, est-ce que le progrès, ça pourrait être s'installer dans le monde d'une façon beaucoup plus raisonnable, raisonnée, rationnelle, qui prenne en compte toutes les ressources que nous avons sous la main, et qui permettent en fait une harmonieuse présence sur la planète. La science-fiction raconte ça. Elle permet d'éviter aussi le déni par rapport à certaines situations qui sont catastrophiques, mais auxquelles on peut, sur lesquelles on peut agir si on envisage le progrès d'une façon différente. Je viens de voir, pour toute autre conférence, un extrait de La machine à explorer le temps, le vieux film de 1960. Et vous avez le protagoniste qui est en train de dîner avec les Eloys et qui leur demande « Mais est-ce que vous avez des livres ?» Alors, les Eloys lui répondent « Mais bien sûr, nous avons des livres. » Et il se rend dans la bibliothèque que les Eloys lui montrent et tous les livres partent en poussière dans ses mains. Alors, il rentre dans une colère épouvantable en leur disant « Voilà, les hommes se sont sacrifiés, ils ont commis des crimes atroces, ils ont fait des guerres. » Magnifique. Et bref, il est en train de célébrer une idée du progrès qui est totalement abominable. Alors, dans la vision du réalisateur de l'époque, c'est exact. Il a raison dans cette vision-là. Mais je me suis dit, face à ça, mais enfin, l'utopie des Eloys, elle est certes contestable, mais pas tellement plus que la nôtre. Mais est-ce que la SF a anticipé ce dont on parle aujourd'hui, par exemple, l'intelligence artificielle, les robots, c'est une vieille histoire. La SF les a envisagés dès le début, quasiment. Mais l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle est présente dans les romans de science-fiction aujourd'hui ? Et est-ce qu'elle est présentée d'une façon qui est positive, négative ? La première IA dont je me souvienne, c'est Mycroft Holmes dans Révolte sur la Lune. C'est une IA extrêmement positive, puisqu'elle a un ami, un mécanicien lunaire, qui vient la réparer, qui empêche les bugs dans ses circuits. Et par amour, elle va l'aider à faire la révolution. Donc c'est une IA extrêmement positive. Tu en as d'autres, Roland ? Oui, j'en ai une peut-être un peu plus ancienne, dont je ne me rappelle plus exactement le nom de l'auteur, mais c'est fin 19e. C'est un livre qui a été récemment traduit et publié par Jean-Noël Lafargue, qui est l'homme le plus intelligent du monde, quelque chose comme ça, le titre. Et en fait, cet homme le plus intelligent du monde, c'est un homme, mais avec un cerveau, et qui, on le voit à la fin, je spoil un peu, mais qui est en fait un cerveau mécanique, une mécanique d'horlogerie, donc une intelligence artificielle de l'époque. Pas d'ordinateur, pas d'informatique, etc. Mais une intelligence artificielle, donc un homme artificiel, un cerveau artificiel qui, du coup, organise tout de façon extrêmement rationnelle, mais ce n'est pas sans conséquences éventuellement fâcheuses, parce que parfois, la rationalité n'est pas toujours le bon moyen d'organiser les choses humaines. Et donc, effectivement, l'IA, elle a été discutée depuis longtemps dans la science-fiction, mais elle en a envisagé tout un tas de conséquences. Et c'est vrai que l'IA, donc, quand on parle d'intelligence artificielle, on imagine beaucoup ce que la science-fiction a évoqué comme potentialité. Et ce que l'on appelle dans le réel actuel intelligence artificielle n'a des fois que peu de rapport avec l'intelligence artificielle telle que les auteurs de la science-fiction en ont discuté. Le mot a fait florès, a été transposé, disons, des œuvres de fiction au réel. Et parfois, en gardant les idées qui allaient avec dans la science-fiction, mais en ne représentant pas bien les choses pour lesquelles il est utilisé dans le monde réel. On a de la même façon tout un tas de vocabulaire de la science. Si on prend téléportation quantique, ça évoque la téléportation au sens du transport de matière d'un endroit à un autre, tel qu'on l'imagine dans la science-fiction, dans Star Trek évidemment, pour ne citer que cette œuvre-là, sachant que la téléportation quantique, c'est une expérience de physique qui ne téléporte pas, qui ne transporte pas de matière, mais qui est un moyen de transport d'informations éventuellement. Donc les mots Il y a des porosités de vocabulaire entre science et science-fiction, et parfois le science est gardé, le sens d'origine est gardé pour désigner des choses qui ne sont pas en rapport avec l'objet de départ. Alors, je voulais vous livrer les résultats d'un sondage qui est paru en 2018, au mois de novembre, une sorte d'étude assez vaste qui a été menée par la fondation Bertelsmann et qui a porté sur 5 pays différents, la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et la Pologne, et qui a révélé que 67% des sondés préférerait vivre dans le passé plutôt qu'aujourd'hui, et seulement 14% des jeunes étaient impatients de vivre dans le futur, sachant qu'ils ne pourront pas vivre ailleurs. Oui. À moins que certaines prédictions de la science-fiction se réalisent. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? On a l'impression d'être scotché dans le présent, on ne veut pas retourner dans le passé parce qu'on ne survivrait pas aux conditions de... qui ont été celles du passé. Le passé, ça a été des conditions terribles. Si on remonte à 100 ans dans le passé, évidemment, les conditions de vie étaient bien différentes pour le, disons, même si on regarde en France, pour le français moyen d'il y a 100 ans par rapport au français moyen actuel. Il y a des dentiste. Gens qui vivent bien mal actuellement en France, mais en moyenne, on vit beaucoup mieux en France maintenant qu'il y a 100 ans. Alors effectivement, le futur n'est pas toujours joyeux, enfin surtout maintenant, mais il ne l'a pas été non plus dans les années 60. Enfin, moi, quand j'étais petit, il y avait les SS-20 soviétiques qui arrivaient en Pologne, il y avait les missiles Pershing qui étaient en Allemagne. Enfin, il y avait une tension entre les deux blocs pendant la guerre froide qui pouvait faire douter des capacités de l'humanité à dépasser les 15 ou 20 prochaines années. La situation... est un peu identique maintenant, c'est-à-dire on a l'impression que l'humanité va évidemment subir des fracas difficiles dans les 15 ou 20 prochaines années ou les 50 prochaines années. Il y a une différence quand même, c'est que dans un cas c'était des causes humaines, peut-être que l'intelligence humaine ou la compréhension du « on n'appuie pas sur le bouton », si j'ose caricaturer un peu la chose, et tout se passera, on arrivera à passer ça. Là, le problème c'est que les rouages qui sont mis en jeu sont un déclencheur humain, mais mettent en branle des mécanismes qui relèvent de la physique, de la chimie, de la biologie, des mécanismes qui malheureusement sont, disons, des lois de la nature, entre guillemets, des mécanismes physiques avec lesquels on ne négocie pas. Et donc ça se passera, qu'on le veuille ou non, on peut juste essayer de gérer un peu la façon dont les choses se passeront, mais on ne peut pas arrêter. On peut décider de ne pas appuyer sur le bouton, quand on est guerre froide, disons, une fois qu'on a mis au rythme de 40 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère par an depuis des dizaines d'années, on ne peut pas dire « ah ben je ne l'ai pas fait » ou « j'arrête de le faire » parce que arrêter de le faire, ça veut dire simplement stopper froidement tout ce qu'on appelle actuellement le progrès et qui est une notion tout à fait discutable. Donc la différence, elle est là, c'est que dans un cas, il y avait une situation qui pouvait sembler inéluctable, mais on pouvait espérer que le doigt s'écarte du bouton d'un moment. Maintenant, il y a une machine qui est lancée, qui est indépendante de nous, et qu'on ne peut qu'espérer piloter au moins mal de nos intérêts humains. Mais pour les prochaines années, on est en régime balistique, comme on dit. Oui, voilà. Jeanne Adebas. Alors, je vais citer une phrase des protagonistes d'un roman dont je suis l'autrice. C'est « Chaque seconde qui nous éloigne du Xe siècle est une bonne seconde ». C'est, pour moi, l'escapisme dans le passé n'est que ce qu'il est, un escapisme. Les gens ne conçoivent pas être autre chose que des rois et des seigneurs, des paysans en train de ramer dans la boue, rarement. Hein. En revanche, effectivement, le mur du futur est là. Comme dit Roland, on ne peut pas appuyer sur le... On ne peut pas décider de ne pas appuyer sur le bouton parce que on a déjà appuyé dessus il y a environ 100 ans, je dirais, à peu près. Et par conséquent, les gens qui ont envie de se colleter avec la véritable complexité de l'avenir sont effectivement des gens qui ne doivent pas être dans le déni. Et ça, c'est quelque chose qui n'arrive que chez les lecteurs de science-fiction, en fait. Enfin, je le sens comme ça, moi. C'est-à-dire, on regarde la situation telle qu'elle est et on envisage des solutions. C'est ce que fait la science-fiction depuis toujours. Donc c'est son rôle de décodeur, pour absolument. Le coup. Oui, ça peut être un rôle de vigie, de décodeur, d'informateur, de diffuseur, pour un dire de vulgarisation de ces problématiques, à défaut d'une vulgarisation scientifique, parce que la science-fiction ne cherche pas, évidemment, à forcément établir une science correcte. Elle est des fois très outrageusement fausse, même la science qui est proposée. Poétique. Mais il y a des situations... Poétique. Où... Poétique. Il y a de poétique. La poésie dans la science-fiction. Ouais. Une science poétique. Absolument. Ouais. Écoutez, les 5 minutes où l'Enterprise sort des quais dans le film de Robert Wise, c'est quand même la poésie de l'espace. Non? Mais je ne l'ai pas vu. Ah ben voilà. Voilà, faites-le. Je vais le faire. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à cette première partie de la conversation scientifique. Vous êtes deux personnages importants des Utopiales. Je voulais vous demander, avant de vous quitter, connaissez-vous l'anagramme d'Utopial ? Alors non, on attend avec impatience le résultat. L'autopsie. L'autopsie. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Merci à vous. Merci. Nous allons écouter, pendant la petite pause, un morceau du groupe Alexander qui s'appelle « Stay ». Voilà, c'était Stay par le groupe Alexander. Nous nous retrouverons en public aux Utopiales avec trois nouveaux invités. La première est Caroline Barouk. Bonjour. Bonjour. Vous êtes biologiste, vous avez une formation d'ingénieur et vous faites des travaux qui consistent à tenter de mathématiser, si j'ai bien compris, certains comportements biologiques. Oui, exactement. Alors, ça consiste en quoi exactement, justement ? Alors... En fait, j'essaye de représenter un système biologique sous forme d'équations mathématiques pour ensuite le simuler pour mieux comprendre le système. Donc, il y a un côté aussi décodage pour mieux comprendre le système. Donc, avant, je travaillais sur les microalgues. J'essayais de comprendre comment les microalgues stockaient des lipides. C'était pour optimiser le stockage de lipides pour faire des biocarburants. Et ensuite, j'ai été recrutée à l'INRA de Toulouse, au laboratoire d'interaction plantes-micro-organismes. Et maintenant, j'essaye de décoder les stratégies de pathogènes de plantes. Mais quand on est ingénieur comme vous, on a un vocabulaire, on a une formation, notamment par le biais des mathématiques, des lois physiques, qui font qu'on a un profil intellectuel assez différent de celui des biologistes. Comment s'est fait pour vous l'incursion dans ce monde a priori étranger ? Alors, en fait, j'ai toujours aimé la biologie parce que j'aime comprendre le vivant. Je trouve ça fascinant, le vivant. C'est très complexe, mais très fascinant. Et donc, après des études de mathématiques informatiques, j'ai décidé d'aller dans la biologie. Et j'ai trouvé par hasard une thèse sur les microalgues. Et en fait, tout le côté biologie, je l'ai un peu appris, comme on dit, sur le tas. C'est-à-dire qu'en discutant avec les gens, en lisant des livres, j'ai appris les domaines de biologie auxquels j'appliquais mes modèles. Est-ce que vous pensez que le vivant est mathématisable ? Oui, bien sûr, dans une certaine mesure. C'est-à-dire que bien sûr, les mathématiques sont un outil pour mieux comprendre le vivant. Ça ne va pas remplacer le vivant en quelque sorte. Mais ça fait très longtemps qu'il y a des modèles mathématiques dans la biologie qui existent. On peut par exemple penser à Fibonacci avec ses lapins. Et donc voilà. Et après, il y a eu un essor dans les années 90, principalement parce qu'on commence à avoir beaucoup de données biologiques. Il y a eu quand même l'avènement de l'ère moléculaire dans la biologie avec tout ce qui est génétique, qui a permis d'avoir accès à beaucoup de données nombreuses comme le séquençage au débit. Et donc ça a permis de mieux nourrir nos modèles, mieux pouvoir les paramétrer, donc avoir des prédictions aussi plus précises. Plus l'avènement de l'ère informatique qui a permis de résoudre les systèmes. Alors j'ai lu que vous intéressiez au comportement alimentaire de certaines bactéries. Oui, des bactéries pathogènes. Sont pathogènes pour les plantes. Elles sont pathogènes pour les plantes. C'est-à-dire, elles agissent comment et quels sont les effets qu'elles produisent ? Alors, je travaille sur deux bactéries. La première s'appelle Ralstonia solanacearum. C'est un pathogène qui se trouve principalement dans les zones tropicales, mais qui, avec le réchauffement climatique et le commerce international, s'étend de plus en plus partout sur la planète. Et en fait, ce que j'essaye de modéliser, c'est de quoi ça se nourrit chez la plante. Et donc, en fait, c'est un pathogène qui rentre par les racines, ensuite va aller dans le système vasculaire de la plante, donc le xylème qui fait remonter l'eau et les nutriments des racines aux feuilles. Et la bactérie va fortement se multiplier dans ce xylème jusqu'à le boucher. Et du coup, la plante meurt un peu comme d'un infarctus. En fait, les symptômes, c'est des dessèchements. On a l'impression qu'elle est morte de soif, mais c'est juste parce que la bactérie a empêché les feuilles d'avoir de l'eau. Et la seconde bactérie a un nom presque aussi compliqué. Xylella fastidiosa. Oui, alors elle est un peu plus connue parce que récemment, c'est la bactérie qui s'attaque entre autres aux oliviers en Italie. Donc elle dessine énormément d'oliviers. Elle est d'origine des États-Unis. Enfin, pas des États-Unis, des Amériques. Elle s'attaque aussi à la vigne et aux agrumes et à de nombreuses autres plantes. Et un peu le même système, c'est-à-dire qu'elle déclenche la mort de la plante de la même façon. La seule différence, c'est qu'elle est véhiculée par un insecte piqueur-suceur qui va venir piquer la plante pour avoir du xylème. Et en piquant, l'insecte va contaminer la plante avec de la bactérie qui va ensuite se développer, tuer la plante. Et puis un autre insecte va entre-temps venir piquer et transmettre la maladie à d'autres plantes. Donc ce que vous mathématisez là, c'est l'évolution des populations ? Vous écrivez des équations d'évolution ? Non, pas du tout. Moi, ce que je fais, c'est le métabolisme, en fait. Donc j'essaye de représenter toutes les réactions biochimiques du métabolisme dans la plante et dans l'insecte, et voir l'interaction entre la plante et l'insecte. Et j'essaye de comprendre quelles sont, par exemple, les sources de nutriments chez la plante. Dans le xylème, en fait, c'est un peu paradoxal, parce que dans le xylème, c'est principalement de l'eau et des nutriments, type fer, soufre. Azote, et c'est pas du sucre, quoi. Et paradoxalement, ça arrive très bien, les bactéries arrivent très bien à se développer dans ce système. Donc j'essaie de comprendre c'est quoi la source de nutriments. Merci Caroline Barouk. Je vais donner la parole à mon deuxième invité qui est Vincent Bontemps, philosophe. Bonjour Étienne, bonjour à tous. Qui a écrit un livre d'ailleurs avec Roland Lehoucq que je recevais en première partie. Ce livre s'intitule « Les idées noires de la physique ». Vous êtes un spécialiste de Bachelard, et dans une préface d'un livre qui s'intitule « Les futurs des belles lettres », vous écrivez ceci « Les auteurs de science-fiction savent mieux que d'autres qu'un avenir déjà écrit n'existe pas. Les futurs dont ils se plaisent à évoquer les contours sont autant de façons de réverbérer sur leur présent les espérances et les inquiétudes que leur inspirent les leçons du passé. » Oui, c'est... Pour expliciter un peu pour le public, la maison d'édition Les Belles Lettres fête son centenaire cette année. Et plutôt que se tourner vers son passé, elle a décidé pour célébrer cela de demander à des auteurs de science-fiction dont Norman Spidrad, Pierre Bordage, Valérie Mangin et Raphaël Granier de Cassagnac. Dont certains sont présents ici. Tout à fait. D'inventer, de deviner, d'imaginer en réalité... dans 100 ans. Comment les belles lettres fêteront dans 100 ans voilà leur bicentenaire donc. Et il y a une communauté de thèmes donc entre la façon dont on se projette dans le futur et la manière dont on hérite le passé. Et c'est pour ça que aussi bien la fréquentation des textes antiques, ce qui est la vocation de la maison d'édition des belles lettres, de redonner actuellement à nos contemporains la possibilité d'avoir accès à la culture d'une civilisation qui a disparu, et la projection dans des avenirs plus ou moins lointains qui s'opèrent dans la science-fiction nous donne deux façons de décoder le présent par ce transfert par le lointain et donc par la réverbération, comme je disais. Et j'essayais de nouer un paradoxe ici, que j'exprime souvent en prenant une citation de Denis Gabor, qui était prix Nobel de physique en 61 pour l'holographie, et qui disait « Personne ne peut prédire l'avenir, mais on peut inventer des futurs ». Et donc, c'est bien le cas avec ces auteurs. Ils ont essayé de nous donner des visions qui sont dans ce que dont ont très bien parlé les invités précédents, dans un rapport « Quand c'est une dystopie, ben, il y a une utopie en creux. Quand c'est une utopie, ben, il y a une dystopie en creux. » Et d'une certaine manière, ça nous permet de déjouer le fatalisme, croire que l'avenir est déjà écrit. Mais l'an 2000, par exemple, était configuré. Il a été longtemps à l'avance. Dans les années 70, l'an 2000 était représenté dans des bandes dessinées, dans les magazines pour adolescents. 2050 ne l'est guère aujourd'hui, 2100 encore moins. Est-ce que la SF s'empare de ces époques et dans le cas où elle le fait, cela donne quoi ? En tout cas, c'est amusant, vous vous rendez compte que pour vous et moi, l'an 2000, ça a existé. Mais c'est un futur passé. Hein, il n'a jamais eu lieu l'an 2000 pour nous. L'an 2000 dont on nous a parlé dans notre enfance, notre adolescence, celui-là avec ses voitures volantes et ce comme ça, il n'a jamais eu lieu. Donc, non, mais l'important n'est pas qu'il ait lieu. L'important est qu'il soit configuré de sorte que chacun puisse tracer une trajectoire individuelle entre le présent où il se trouve et ce futur qui lui est représenté au deux sens du terme, mis dans son présent et dessiné. Et exactement. C'est pour ça qu'en fait, on se livre à des sortes d'exercices de triangulation. On regarde, finalement, on expose des analogies, des résonances avec des projections dans le futur qui étaient celles du passé et donc du coup aussi avec notre présent, la façon dont on aborde ce futur maintenant. Je fais une conjecture, mais qui correspondait à votre sondage, qui est que dans ce premier quart du 21e siècle, et les nouvelles qui sont dans trois des nouvelles qui sont dans sur quatre sur qui sont dans ce recueil que j'ai eu la chance de préfacer sont post-apocalyptiques. Donc mon observation, c'est qu'actuellement on est avec un imaginaire du futur qui est relativement sombre et que il est plus facile de nos jours d'imaginer quelque chose de sombre, de dark, de dystopique. Et en fait il faut faire preuve d'une remarquable inventivité et ingéniosité pour imaginer des utopies. Vous êtes un spécialiste de Bachelard, Vincent Montand, je l'ai dit. Est-ce que Bachelard avait prédit l'avènement de l'intelligence artificielle ? Est-ce qu'il s'intéressait à la science-fiction ? Alors, il ne s'intéressait pas du tout à la science-fiction. C'est un homme qui est né au 19e siècle, hein, d'accord ? Donc, il avait une culture assez classique. Il s'est intéressé, à un moment donné... Il disait quelque chose, je pense que ça fera la transition avec votre dernier invité. Il disait que quand on apprend à faire des mathématiques en intégrant une axiomatique et ensuite en utilisant son cerveau pour en développer les conséquences, en fait, on fait de son cerveau un robot. Voilà. Et donc, il avait une vision positive du robot en disant, bah oui, il y a des choses que les robots font mieux que nous. Et donc, il a évoqué au moins cette artificialisation d'intelligence, mais qu'en fait, il disait qu'il faut penser contre son cerveau. Donc on apprend à se servir de son cerveau, on apprend à déjouer les préjugés qui sont intégrés, qui sont innés là-dedans. Voilà, il avait cette vision-là qu'il fallait lutter, dépasser les obstacles épistémologiques, et qu'en fait, le robot était un symbole assez positif pour lui dans cette optique-là. Vincent Montand, vous avez parlé de mon dernier invité, qui est à ma gauche, Alexis Rimaud, qui est philosophe et physicien. C'est une superposition quantique à lui tout seul. Spécialiste notamment de mécanique quantique et des fondements de la physique en général. Alexis Rimbaud, donc, est-ce que vous avez des choses à dire sur une nouvelle qui a fait l'actualité ces derniers jours, un article de Nature signé par Google annonçant que certaines équipes avaient franchi ou obtenu ou dépassé, je ne sais pas comment il faut dire, la suprématie quantique. Décoder la suprématie quantique. Alors, qu'est-ce que c'est que la suprématie quantique ? Alors, la suprématie quantique, la première chose que je dois malheureusement dire, c'est que la raison pourquoi la science-fiction ne s'y est pas intéressée, c'est qu'elle ne permet d'opprimer personne. Donc vous voyez, ça n'est pas cette suprématie rêvée de tous les auteurs de dystopie, des science-fiction post-apocalyptique. Ah, alors, j'ai lu quand même que des gens contestent cette appellation au motif qu'elle serait colonialiste ou raciste. Oui, moi je préfère dire simplement avantage quantique. Donc cet avantage quantique qui permet de faire en un temps raisonnable quelque chose que l'ordinateur classique, une machine de Turing, mettrait des années, des milliers d'années à faire. Donc l'exemple actuel, qui n'a aucune utilité pratique, c'est un exemple de principe, nous montre qu'on peut réaliser une certaine tâche, d'ailleurs pas si compliquée que ça, très très rapidement, beaucoup plus rapidement qu'un ordinateur classique. Alors, à quoi est-ce que ça pourrait servir à l'avenir. Alors, effectivement, le calcul quantique est un des piliers de ce monde des technologies quantiques dans lequel, je pense, nous arrivons. Et là, la science-fiction a un peu parlé de cela aussi. Mais le calcul quantique permet de faire des choses que notre ordinateur d'aujourd'hui, celui que nous connaissons, nous utilisons tous les jours, ne sait pas faire assez efficacement. C'est pas qu'il ne le sait pas faire du tout, mais pas assez vite. Donc ça permet par exemple de décoder des chiffres, de casser les codes, à propos des codes, hein, de casser les codes cryptographiques que nous utilisons aujourd'hui pour nos cartes bancaires, pour les distributeurs d'argent. Il faudra alors inventer quelque chose pour quand même protéger nos communications. Et là, les technologies quantiques aussi apportent une solution en disant, alors cette fois-ci, ça n'est pas le calcul quantique, ça n'est pas l'ordinateur quantique, mais c'est la cryptographie quantique qui permettra de faire des codes encore plus performants, enfin des codes qui théoriquement ne peuvent pas être cassés du tout. Donc ce monde des technologies quantiques ne se limite absolument pas à cette annonce récente de suprématie quantique, mais il y a déjà des choses qui marchent, qui fonctionnent aujourd'hui. Mais un ordinateur classique fonctionne avec des bits classiques, un ordinateur quantique avec des qubits. Combien est-ce qu'il faut de qubits en interaction pour avoir atteint l'avantage quantique? Alors, allez, c'est Cyril Baume, toute la grande question. J'ai lu 50, mais ce chiffre est contesté. Je vous réponds en élargissant le champ des défis. Vous avez dit coder, décoder. Je vais injecter dedans le mot encoder. En fait, ce qui est très difficile dans le monde du calcul quantique, ça n'est pas seulement de calculer, mais c'est d'encoder la tâche que vous voulez résoudre et c'est de décoder le résultat. Encoder, décoder. Ensuite, ça c'est un autre défi. Ensuite, il y a un troisième défi qui est de résister au bruit. Et c'est celui-ci dont vous parlez. Résister au bruit dans le monde quantique est très difficile parce qu'il y a des particules qui nous viennent de l'espace et qui perturbent déjà l'ordinateur, par exemple le quantique, s'il n'est pas suffisamment refroidi. Donc, il faut beaucoup de protection contre le bruit, ce que pour le moment, nous ne savons pas encore faire, ça n'a pas été réalisé. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons trouvé un moyen quand même, parce que ce calcul quantique peut être réalisé avec des atomes, avec des photons, avec des ions, avec des courants supraconducteurs sans résistance, avec beaucoup de modèles physiques. Peut-être en combinant ces modèles, nous parviendrons, on ne sait pas, mais nous espérons parvenir à dépasser le problème du bruit. Mais est-ce que vous êtes capable de dire, Alexis Ribaume, si un jour un ordinateur quantique fonctionne avec des algorithmes adaptés, ce que ça changera dans la vie de chacun d'entre nous, dans la vie des laboratoires, des armées, des banques, bref, de tout notre environnement? Alors j'ai une annonce à vous faire, l'ordinateur quantique fonctionne déjà. Sauf que ça n'est pas celui de Google, ça n'est pas un ordinateur quantique universel qui sait faire tout ce que sait faire une machine de Turing. C'est un ordinateur quantique qui existe depuis quelques années, qui sait faire juste, qui sait résoudre des tâches très très précises. Juste quelques tâches, pas toutes les tâches de calcul. Et cet ordinateur existe, il permet d'avancer par exemple dans la simulation du comportement des molécules chimiques ou des médicaments extrêmement complexes. Donc beaucoup de simulations qu'on peut déjà faire aujourd'hui. Donc ça nous permet déjà d'avancer, mais non, ça n'est pas du tout l'ordinateur dans le sens que nous connaissons tous. Ça n'est pas du tout la machine de Turing avec l'architecture de von Neumann que vous avez dans vos ordinateurs portables. C'est un autre type de calcul. Mais est-ce qu'il mérite quand même le nom d'ordinateur, Alexis? Oui, dans la mesure où nous saurons toujours encoder une tâche et décoder le résultat. Et c'est là que nous revenons à coder, décoder, encoder, décoder, parce que du moment où vous savez encoder quelque chose, laisser le système physique résoudre votre problème et décoder, c'est quand même un ordinateur, même s'il ne ressemble pas à celui dont pensait M. Turing. Caroline Baruch, si un jour il y a un ordinateur quantique au sens complet du terme qui advient, est-ce que ça changera votre vie de chercheuse? Alors même l'ordinateur complet qu'il a cité, je pense que simuler des ensembles de molécules, typiquement c'est ce que je fais au jour le jour, ce ne sont que des molécules organiques du métabolisme, mais déjà ça me permettrait de peut-être simuler des systèmes réels avec X milliers de molécules et pas essayer de faire des équations moyennant tous les comportements. Donc je pense que globalement déjà ça pourrait énormément nous aider dans la compréhension. Il fera en quelques secondes ce que vous vous apprêtez à faire en en quelques dizaines d'années ? Peut-être, c'est le malheur de la science. Peut-être que je vais passer 10 ans à essayer de faire la même chose et puis finalement une nouvelle technologie comme ça va apparaître et va me résoudre beaucoup plus simplement la tâche. Vincent Montand, j'ai dit tout à l'heure, vous étiez spécialiste de Gaston Bachelard, mais également de Gilbert Simondon. Simondon, philosophe qui s'est beaucoup intéressé aux techniques, à leur évolution. Est-ce que l'ordinateur quantique fait partie d'un schéma classique d'évolution des techniques ou est-ce qu'il y a une sorte de rupture qui s'annonce là ? Oui, il y a une rupture qui s'annonce, mais... La technologie, le schéma classique, c'est des ruptures dans technologie. Donc c'est précisément pas seulement le progrès à l'intérieur d'une lignée technique, mais la substitution de lignées entre elles qui tressent le progrès des techniques dans ces ensembles de discontinuités. Avec l'ordinateur quantique, on aura probablement, s'il arrivait à un niveau d'universalité et de polyvalence suffisant, on aura probablement une excentration du rôle des cerveaux dans pas mal de tâches qui pour l'instant sont encore occupées avec l'individu humain au centre comme opérateur. Et donc ça va être une chose où nous serons plus dans un rôle que Simondon a essayé de définir comme étant celui du chef d'orchestre pour pouvoir coordonner, sélectionner, utiliser un certain nombre des choses qui seront faites beaucoup mieux, une fois de plus, par les robots que par nous. Mais qu'est-ce qui garantit que vous aurez la maîtrise ? Vous parlez de chef d'orchestre, ce qui suppose une certaine maîtrise. Qu'est-ce qui vous garantit que vous... La conserverait. Rien n'est jamais garanti dans le futur, mais il se trouve que chaque fois qu'on réfléchit à ces problèmes de développement et de synchronisation, on voit que ça exige la mise en place de systèmes de feedback, de régulation, de synchronisation, et en fait, c'est quand même des choses qui, de toute façon, seraient totalement impossibles si ces réalités technologiques n'existaient pas. Donc, le problème se pose de façon de plus en plus accrue, mais, je veux dire, les moyens qui nous permettront de faire, bon, on pourrait imaginer des régressions, mais c'est quand même en s'appuyant sur ces technologies qu'on pourra inventer, c'est pas sûr qu'on l'obtienne, la mise en place de systèmes régulateurs. Quelqu'un qui travaille sur le vivant, on le sait bien, je veux dire, le vivant, dans sa grande, grande complexité, repose sur l'homéostasie et sur la mise en place de séquences de rétroaction négatives et positives de façon massive. Et ben, nos sociétés, pour survivre dans le futur, auront besoin de ce type d'intelligence architecturale, quasi-cybernétique, mais même au-delà. Ça demande d'autres schémas, maintenant. Allez, Cyril Baume... Quelle est votre réaction au propos de Vincent Montand ? Vous avez écrit un livre qui s'intitule « Les robots et le mal ». Donc cette question vous intéresse ? Oui, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'éthique de l'intelligence artificielle, le rapport entre nous, les humains, qui imitons aussi les machines. Ce ne sont pas seulement les machines qui nous imitent, mais nous aussi imitons les machines, nous projetons des émotions sur les machines, nous croyons que ce sont des agents moraux. Donc le rapport, chargeons de sujet là, mais le rapport entre la machine et l'homme, je pense que c'est par là qu'il faut penser, pas seulement l'éthique du monde dans lequel nous vivons, mais aussi la politique. Je pense fondamentalement la division du monde d'aujourd'hui, ça n'est pas la division entre droite et gauche, c'est la division entre les experts et les utilisateurs, ceux qui savent et ceux qui utilisent sans savoir comment ça marche. Et c'est essentiel pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Mais est-ce qu'on va pouvoir garder une certaine transparence ? Est-ce que les machines pourront nous expliquer dans le futur comment elles arrivent aux conclusions qu'elles nous proposent ? Ou est-ce qu'on vivra dans une sorte d'opacité vis-à-vis de laquelle on manifestera soit de la confiance, soit de la défiance, mais sans être vraiment capable d'exercer un esprit critique sur tous les avis qui nous seront communiqués par les machines. Les machines qui ne comprennent rien, hein, ça il faut être clair. La machine, elle imite, mais elle ne comprend pas le sens. Mais la machine pourrait faire en sorte que nous croirons qu'elle nous a expliqué son comportement. Vous voyez, elle créera des illusions parfaites d'explication. Nous penserons que oui, c'est pour ça qu'elle a choisi tel comportement, qu'elle, par exemple, nous a prescrit tel médicament, qu'elle nous a mis telle note. Nous allons le croire, mais évidemment, quand il y a, par exemple, 1,5 milliard de paramètres dans l'espace de phase de cet algorithme, bon, vous n'allez pas pouvoir, avec un cerveau humain, comprendre ce qui se passe dans 1,5 milliard de paramètres. Mais il y aura des heuristiques, des solutions simples qui nous seront suffisantes. Ça nous suffit à nous, que la machine nous dise, bon, c'est parce que si vous avez bu plus de café le matin, vous auriez eu une note un peu meilleure. C'est une explication qui nous va. Peut-être qu'elle n'a rien à voir avec la vérité, mais cette illusion nous suffit déjà. Mais est-ce qu'on n'est pas en train, c'est ce que vous dites en fait, de liquider l'idée même de vérité ? ou d'explicabilité, qui est quand même associée à l'idée de vérité. On est sans doute en train de déléguer une partie de notre autonomie à cet agent, à cet individu numérique, comme je l'appelle, avec lequel nous interagissons. Cette délégation, elle aura des conséquences sur nous-mêmes aussi, la condition humaine. Je pense que la manière dont l'explication fonctionne va bien sûr évoluer, mais elle va évoluer aussi de façon plutôt limitée, dans des secteurs donnés. Pourquoi ? Parce que la machine ne se donne jamais ses propres objectifs. Elle ne peut pas aller se dire « maintenant j'ai envie de vous amener là ». Elle n'a pas de volonté, elle réalise les objectifs encodés par le concepteur, par le programmeur. Donc il ne faut pas non plus tomber dans cette dystopie de compétition entre l'homme et la machine. La machine, oui, parfois elle n'est pas explicable, parfois elle crée des illusions, mais elle ne fait que ce que l'homme a encodé, a demandé à la machine de faire. Caroline Baroux, j'ai rappelé tout à l'heure que vous êtes un jeune ingénieur, vous avez été formé à l'École centrale de Lyon et vous êtes devenu biologiste, même si la vocation était bien plus ancienne. J'observe qu'il y a un débat dans les grandes écoles. Il y a des gens qui disent qu'on doit enseigner aux étudiants les grandes théories physiques, les lois fondamentales. D'autres disent non, c'est le passé. Bientôt, les algorithmes nous livreront à propos du réel beaucoup plus d'informations que les théories physiques. Il suffira d'avoir des algorithmes capables d'exploiter ces données numériques et d'en tirer des lois générales qui seront plus complètes et peut-être plus exactes que les lois des théories physiques. Est-ce que vous avez un point de vue sur la bonne façon d'arbitrer ce débat qui est en train de devenir une sorte de réactivation de la querelle des anciens et des modernes? Moi, si la machine nous trouve... Enfin, typiquement, il y a des choses qu'on a du mal à trouver, des lois. Surtout en biologie, on a très peu de lois. Donc, effectivement, ça serait une énorme avancée que les machines puissent nous dire c'est quoi les lois. Après, les machines font tout à notre place... Typiquement, pour moi, c'est un peu la mort de la science, puisqu'on n'en cherchera plus à comprendre. Les machines le feront pour nous, donc on n'aura plus intérêt à comprendre, puisque quelqu'un d'autre va le faire à notre place. Et du coup, je trouve ça très triste, parce qu'on a tous une curiosité très forte. Enfin, moi, personnellement, j'ai une curiosité scientifique très forte. Vincent Montand, vous êtes philosophe, mais vous avez quand même une curiosité scientifique très forte. En fait, je crois qu'on est dans un moment dans l'utilisation et la réorganisation de notre rapport avec les machines, y compris dans la recherche, où on se pose des questions avec un peu d'angoisse. Et peut-être que ça évoluera avec sérénité, peut-être que cette angoisse va croître. L'une d'entre elles, c'est au niveau de l'opacité. Donc, est-ce que l'opacité se réduit? Et je trouve que Alexis était relativement optimiste. Il nous a dit cette opacité est due au fait que les machines font beaucoup plus d'opérations que nous et qu'il serait impossible, en fait, d'aller vérifier avec un cerveau humain, même avec une dizaine de cerveaux humains, d'aller vérifier qu'elle ne s'est pas trompée en refaisant les opérations, on va dire à la main, mais ça veut dire en réalité dans nos cerveaux. La vérification intuitionniste est maintenant hors de portée parce qu'il y a trop d'opérations. Maintenant, il y aurait la possibilité de penser que, justement parce qu'on ne peut pas vérifier de cette façon-là, il y a une autre type d'opacité, c'est-à-dire la machine se met à être plus efficace que nous dans la prédiction parce qu'elle pense avec des choses qui sont radicalement pas nos catégories, qui seraient ininterprétables. Et donc là, on arrive à un moment où on se demande est-ce qu'on n'est pas en train de changer l'idée de science. Maintenant, ce que j'observe, c'est que tout de même, quand on regarde comment les scientifiques utilisent leurs machines et leurs recherches algorithmiques, il y a des moments où ils se sentent très malins parce que précisément à travers un raisonnement qui fait appel à des connaissances théoriques, qui fait appel à une modélisation astucieuse, une sursélection, ce que précisément ne fait pas la machine, ils permettent de passer d'une technique de gros bourrin informaticien qui met plein de choses pour trouver le résultat à un ordinateur qui, en recherchant exactement, on sait ce qu'on cherche, arrive à aller beaucoup plus vite. Et que donc, ces stratégies-là vont rester l'apanage de l'être humain, d'arriver à couper des voies, à simplifier. J'ajouterai un autre point. Il y a des choses que les machines ne feront jamais à notre place. Les machines ne peuvent pas désirer de l'inconnu. Les machines ne peuvent pas agir en fonction de connaissances qui ne sont pas là. Elles ne peuvent pas manipuler de l'indécidable. Elles connaissent des 0 et des 1. Elles connaissent du vrai et du faux. Elles peuvent avoir des probabilités, mais elles n'ont pas cette possibilité-là qui est le propre de certains usages des mathématiques, pas le plus courant, mais qui est de manipuler des choses qui sont en droit indécidables. Allez, Cyril Baume, vous avez un moment de la tête que je ne sais pas interpréter, c'est la superposition quantique d'un oui et d'un non. Non, d'accord, pas d'accord. Je ne suis pas sûr d'être d'accord avec la dernière remarque, parce que la machine, même si elle ne peut rien désirer, hein, elle n'a pas d'émotion, mais elle peut très bien nous faire croire qu'elle est en train de désirer quelque chose. Je le conçois. Créer une illusion. Par contre, sur l'opacité et sur tout ce qui est non interprétable... Ça veut dire que l'intelligence artificielle nous prend un peu pour des andouilles. Oui, en quelque sorte, si vous voulez. Mais quand même, prenez la reconnaissance faciale. La reconnaissance des visages aujourd'hui, la machine identifie par elle-même 80 paramètres environ. Et nous avons, dans nos langues, dans le français par exemple, nous avons à peu près 25 mots pour nommer des traits de visage. 80 paramètres, donc nous ne savons pas ce que c'est. Hein. Nous n'avons pas de mots pour nommer cette chose. Est-ce que c'est un problème ? Non, tant que c'est utile... C'est pas un problème. Tant que la reconnaissance est bien passée, c'est pas un problème. Par contre, en science, par exemple, bon, la machine va trouver des corrélations, va établir des relations. Nous ne savons pas ce que c'est, mais est-ce un problème? Oui, bien sûr. Si nous ne savons pas ce que c'est, si nous n'avons pas de mots pour expliquer, ça n'est pas du tout la nature qu'elle a découverte. Peut-être qu'elle a découvert n'importe quoi, vraiment un contenu bizarre. Et là, ce tri-là, ce qui a un sens et ce qui n'a aucun sens, ça n'est que l'homme qui peut faire ça. Mais Vincent Montand disait tout à l'heure, la machine ne peut pas désirer de l'inconnu. Mais est-ce que les machines seraient capables de critiquer leurs propres données, c'est-à-dire faire l'équivalent de ce que Galilée, Einstein et les autres faisaient quand ils faisaient des expériences de pensée? Ils inventaient des stratagèmes intellectuels pour que le monde empirique, décoïncide avec ce qu'ils nous montrent. Et c'est comme ça qu'on a trouvé les grandes lois de la physique. Donc, puisque nous sommes à Nantes, je vais prendre un exemple de science-fiction. Ah, je crois que ce serait Jules Verne. Dans le film Ex Machina, je pense que tout le public ici connaît, aime ce film. Dans le film Ex Machina, la robot Ava dit à un moment, je désire d'aller dans une grande ville, me mettre à un carrefour animé et observer les gens. Pourquoi ? Parce que elle comprend que c'est là qu'elle va avoir de plus en plus d'informations nouvelles qui vont entrer. Elle fait comme si elle désirait avoir plus d'informations. Évidemment, c'est un résultat de calcul. Mais tout se passe pour nous, les humains, comme si elle avait un désir, comme si elle avait une intention. Et donc voilà, ça va se passer comme ça. Ce ne seront que des résultats de calcul, mais nous allons croire que ce sont des désirs, des intentions, etc., etc. Vincent Bontemps, oui, répondez. C'est de reconnaître que Alexis pointe un point très important, c'est qu'appelons-nous l'identité de la machine, de l'ordinateur, sous toutes ses formes. Est-ce que c'est une définition en soi que nous voulons, avec des critères qui vont respecter ces natures, qui vont être technologiques, et là on va s'accorder, elle n'a pas d'intentionnalité, elle n'a pas d'intériorité, et elle ne sait même pas ce que c'est que le temps. C'est pour ça que je disais qu'elle ne peut pas avoir, pour elle, tout est présent à l'instant T. Hein, voilà. Maintenant, si c'est une définition relative, et la chose est que c'est une des grandes transformations que nous avons à faire, y compris politique, de comprendre que la société n'est plus faite simplement sur une délibération qui prend simplement les relations entre les personnes humaines. C'est une délibération qui prend en compte le fait que nous faisons système avec les machines et par conséquent, elles ne sont plus des outils. Hein, c'est plus la peine de nous dire on va en faire un bon ou un mauvais usage. Elles ont un fonctionnement autonome. Et donc, dans ce système, il y a cette relation et c'est sur elle que nous devons réfléchir et sur elle que peut porter une délibération en termes de feedback de la relation entre l'homme et la machine. Alexis Rimaud. Et c'est exactement ce que j'appelle la cité numérique. Je pense que nous vivons aujourd'hui dans cette cité numérique dont nous sommes tous des citoyens, mais les machines aussi. Les machines aussi sont dans cette cité numérique. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir une sorte de révolte des humains contre les machines que les humains ne sont pas capables de comprendre? Non, parce que... Parce que la science-fiction met en scène des scénarios de ce type. Oui, la science-fiction met en scène très souvent la compétition de l'homme et de la machine. Je pense que la relation fondamentale dans cette cité numérique, encore une fois, c'est la double imitation. Les machines nous imitent, nous, mais nous aussi, les humains, nous imitons les machines quand nous interagissons de façon relationnelle, donc avec elles. Et c'est cette imitation qui peut aussi déchaîner, qui peut mener à des conflits. Mais ça n'est pas la compétition frontale. Oui, je suis. J'approuve cette ligne. Je voudrais rajouter que dans cette cité numérique, la délibération se portera sur le fait de comment on inclut, il faudrait pas oublier Caroline, enfin, en fait, c'est tous les vivants. Hein, c'est-à-dire qu'on est dans une dilatation du référentiel où éthique, politique ne concerne pas simplement une réflexivité des êtres humains, mais maintenant doit englober nos relations avec à la biosphère, et ça on le sent de plus en plus en fait dans les idéologies actuelles, que ça se développe par rapport aux animaux, mais en fait il n'y a aucune raison d'exclure les plantes de cette histoire, et après ça il y a un pas supplémentaire qui commence à poindre et qui est moins dur quand on est face à une assemblée de gens qui ont l'habitude de lire de la science-fiction, mais qui sinon paraît étrange, c'est-à-dire, en fait, les machines aussi doivent être incluses dans ce nouveau référentiel. Et donc ça, c'est peut-être l'intérêt de travailler en tant que philosophe ou en tant que scientifique de venir aux Utopiales, c'est qu'on est sans doute dans le seul cadre adapté pour parler de ces enjeux politiques. C'est ici, à Nantes, durant les Utopiales, avec les auteurs de science-fiction, avec les érudits de l'histoire de la science-fiction, avec les scientifiques, les philosophes, qu'on peut faire émerger les vrais enjeux politiques de notre temps. C'est un endroit privilégié pour ça. Caroline Barouk, à quoi ressemble votre laboratoire? Quelle est la part de machine dans votre... Est-ce qu'il y a... Oui, machine, on a forcément, en fait, en gros, on travaille tous avec un ordinateur, on peut pas s'en passer, hein, de toute façon. Et après, on a énormément de machines analytiques, qu'elles soient présentes au laboratoire ou alors qu'on délègue l'analyse à des laboratoires tierces. Donc, la part de la machine est extrêmement importante. Nous, on est plutôt là pour faire sens, designer des expérimentations et faire sens des données que les machines nous renvoient. Parce qu'on n'est pas encore à, les ordinateurs nous expliquent tout et nous expliquent ce qui se passe pour nous. mais en gros, on a une énorme part de machines dans le laboratoire. Mais quelle est la part de votre temps que vous consacrez au codage? Plus de la moitié de mon temps, je dirais. Après, parce que je suis jeune chercheuse. C'est-à-dire quelque chose d'apprendre. Les jeunes codent plus que les plus anciens? Oui, parce qu'on n'a pas la partie, ce qu'on n'imagine pas, un chercheur, il cherche aussi de l'argent pour financer ses recherches. Donc les vieux cherchent l'argent, les jeunes codent. À peu près, en fait. C'est-à-dire que plus on avance, plus on... Il y a aussi les tâches managériales qu'il faut prendre en compte. Je vous remercie tous. Hein. C'était donc la conversation scientifique par Étienne Carr en public. Je remercie d'avoir été si attentif avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la réalisation Olivier Bétard, et je remercie toute l'équipe technique, Christian Lahondès, Christophe Papon, Alexandre James et Benoît Gégout.